Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Guertin nous fera son camelot en nous livrant son éditorial dans le bulletin Guertin. Et Frédéric Bernard fera son rigolo sur le web dans Google Globe. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 4 novembre 2015, 174 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Oui, et moi c'est Mathieu Plante. Et moi Tania Baudin. Allô Tania. Allô, ça va bien ce matin? 2015-2016, oui, ça va très oui. bien. Oui. Ok. Couché tard hier. Ouais. Il y avait de l'impro Ouzley, mais c'était anyway. Ah oui, c'est vrai, du côté du centre-ville. Oui, c'était vraiment le fun. Et en arrivant là-bas, tout le monde fait comme bon, enfin le voilà, on peut commencer. Oh. J'avais de la pression, fallait que je trouve ça drôle. Ben oui. Ça fut le cas. Pas vraiment le choix. Ça fut le cas. Ouais, je pense que c'est... Je suis comme un petit peu la personne la plus intéressée par le principe d'un Whose Line Is It Anyway version trifluvienne. Ah, l'émission d'improvisation américaine. C'était ben le fun. Ben c'est plaisant à ce temps-là. Tout à fait. Sinon, toi? Ça va bien, ouais. Ça va bien, oui. T'as beau, hein? Ben oui. Désert. C'est vrai, il fait beau pour une fois, il fait pas noir. Je sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui est une belle journée jusqu'à maintenant. Aujourd'hui est une journée qu'on aime. Ouais. Par contre, ma chronique, c'est pas sur ça. Ah ben si, parlons de Tania Is Gonna. Tania, de mais quoi oui. tu me parles, de choses que t'as eues? Mais je vous parle surtout de fatigue. Tu sais, on n'arrête pas de le dire à chaque matin cette semaine. On trouve ça vraiment difficile. Alors, quoi de mieux que des petits remèdes de grand-mère? T'es vraiment rendu... T'es vieille maintenant. Ah, je suis vraiment rendue vieille. C'est ça. Mais bon, c'était... non, j'ai hâte d'entendre ça. Ben, moi aussi. Combien d'heures t'as dormi? Attends, je me suis couchée, il était 11h. Ah, ok, t'es pas sortie finalement. Non, je suis pas sortie finalement. J'ai décidé de laisser aller ma sagesse et de. En fait, de pas me lever de mon divan sur lequel j'étais dormi déjà couchée. Toute la nuit sur ton divan? Non, okay. Mais j'écoutais la game d'hockey hier soir parce que oui, moi j'aime ça, le hockey. C'est vrai que c'est plate, fait que tu dors dessus. Ouais. Mais j'étais tellement fatiguée que j'ai comme quatre. Bon. Alors, c'est ça, j'ai décidé de pas sortir. Ben, de faire mieux. Preuve de sagesse. C'est ça. Sortir en fin de semaine, là. De toute façon, je devais faire ma chronique en plus. En plus? En plus. Ah, de préparer ta chronique. Oui, exactement, oui. J'avais préparé ma chronique. Justement, on va commencer avec ça dans quelques instants, ben oui. Tania Is Gonna Titania. Sinon, plus tard à 8h, Sébastien F. Guertin et le bulletin Guertin, on parle de l'actualité dans le monde, de choses politiques, peu importe, c'est vraiment, ça dépend de la semaine, finalement. Oui. Ça dépend de la semaine. À 8h30, Frédéric Bernard avec Google Globe, il pose une question à Internet et essaie d'y répondre le mieux, selon le mieux de ses... connaissances! De ses connaissances, et des connaissances de Google, surtout. C'est ça, il fait pas mal juste appuyer sur Enter. C'est tout ce qu'il fait dans cette blague-là. Ça se fait seul, non? On devrait dire tantôt. Fred, on trouve que t'as pas un grand effort. Aïe, il faudrait pas. C'est pas vrai. Il fait un travail de recherche assez exceptionnel, là. Voilà, parce qu'il condense et filtre ce contenu de Google-là dans Google Globe à 8h30. Comme j'ai dit dans quelques instants, Tania is gonna entertain you, mais avant ça, c'est Marie-Pierre Arthur qui... aujourd'hui, je pense, a réussi sa mission qui est de cacher l'hiver. Ah, oh, merci Marie-Pierre Arthur. C'est grâce à elle. Appelons-la hashtag Dame Nature. À Assemblage Reiki. Ça commence comme un porn en plus. Tu trouves pas? On va la repartir, va. Je sais pas, mes connaissances du porn sont pas si. Imagine-toi un gars à moustache qui rentre, tu sais. J'ai juste la face de Freddie Mercury. Attends, on va réessayer, va. Oh yeah! Bon. C'est troublant, Mathieu. Ben, ça dépend de la race de la personne. Ça peut être de n'importe quelle couleur, ça. Hein? T'as parlé d'un homme à moustache, puis j'ai vraiment juste ça de pris dans et d'un troublant, ouais. Ouais. Bon matin. Bon matin, tout le monde. Yeah. Ben, puis Arthur, la pièce « Rien à faire », c'est ce qu'on avait prévu jouer depuis le début. Là. On s'était juste trompé de titre tantôt, hein, c'est ça? Oui, exactement. On voulait pas... C'est ça. C'est la première chanson du bar le matin, fait que ça se peut que, qu'on soit trompé. Oui. On étant le directeur technique de l'émission. qui porte le même nom que moi, étrangement. Ah, ben, quel nom. Tania? Oui? Toi, tu portes pas le même nom que moi. Non, en théorie. Ça te ferait bizarre un peu. Je trouve que tu porterais drôlement le nom de Mathieu. Hey, Mathieu avec un E, ça pourrait être J'sais beau pas, pour J'sais pas, mais j'ai vu Mathieu avec un X. Ouais, pas, ça, j'ai déjà vu ça. Mathieu avec un Y dans le milieu, pas à la fin. Ah, ça me prendrait ça, par exemple. Ah oui, c'est vrai, parce que dans ta famille, tout le monde a un Y. Exactement. Qui donc? Denis. Denis avec un Y, Sylvie avec un Y, ouais. Simon avec un Y. Ouais. Tania avec un Tania Y. Et mon chien s'appelle Bowie. Avec un Y! Ah, oh, c'est cute, c'est cute! Guess comment c'est divertissant! Tania's gonna entertain ya! C'était une petite Tania avec un Y qui voulait être pro des médias avec un Y, fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania! And she's gonna entertain ya avec deux Y. Deux Y. C'est ça. Parce qu'il y en a un Tania et un entertain. Mm-hmm. Salut Tania. Salut Mathieu. Ça va? Oui. Très bien toi. Oui, ça va pas bien. Aujourd'hui, on se sent fatigué. On se sent fatigué de plus en plus, mais je pense sérieusement, je commence à blâmer la saison pas mal pour oui, ça. Là. Clairement. Peut-être pas spécifiquement en ce moment en direct mercredi matin. Non. Mais en général... Peut-être pas parce que là, le soleil est de notre côté. Sérieusement, ce matin, ça comme vient... Ça vient de faire toute ma chronique puis tout comme la recherche. Annule ça, là. Fais d'autres choses. Fais celle que t'aurais fait demain. Parce que sérieusement, ce matin, c'était quand même assez facile... C'est l'été aujourd'hui, oui. ...de venir au travail dû au soleil, justement. J'étais arrivé à l'avance. Ben oui, en plus. Oui. Mathieu est arrivé à l'heure. OK, ouais, c'est vrai. Pour moi, à l'avance, ça veut dire exactement à l'heure. Exactement. Mais oui, fatigue. Est-ce que t'es fatigué, toi, en temps normal? Oui, tout le temps. Ouais, hein? Souvent parce qu'on dort 4 heures. Ben, c'est ça. On le dit souvent, on dort pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui dorment pas beaucoup. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est beaucoup le temps de ça. C'est la saison de ça. On est en changement de température beaucoup, changement d'heure aussi. Oui. Alors, il y a beaucoup de changements qui se font, qui font en sorte qu'on est vraiment fatigué chroniquement. Oui. Comme ah, fatigue chronique serait un excellent titre de chronique. Ouais, fatigue chronique, ben et oui. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de quelques remèdes de grand-mère pour justement contrer ou combattre cette fatigue chronique-là qui nous tape tous sur le système. Là, on parle donc de conseils qui viennent de la grande région de Shawinigan, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Okay. Grand-mère, la ville et non les grands-mamans. C'est ça. Eh bien, non, là, je parle vraiment des bons trucs de grand-mère que la plupart du temps, ça va fonctionner. Et je dois dire que j'en ai essayé un, particulièrement ce matin. Et à date, ça va bien. Alors, le premier que je parle, eh bien, c'est en fait un aliment seulement. Tu vas nous dire celui que tu as essayé, là. Mais oui, je vais vous le dire. Un aliment. C'est pas celui-là. Ouais. C'est un aliment seulement, et c'est la carotte. Ah. Parce que la carotte est tellement riche en vitamines, puis en provitamine A, que ça vient vraiment aider à justement combattre cette fatigue-là parce que ça va nous donner un boost de vitamines dont on a automatiquement besoin quand on est fatigué à la puissance comme 10, comme moi cette semaine. Oui. Alors en fait, ce qu'on propose, c'est de boire un verre de jus de carotte. Hey boy! Oui. Il faut l'extracteur à jus pour ça. Oui. Oui. Je suis d'accord avec vous, ça a vraiment pas l'air appétissant, un jus de carotte. Là. Mais c'est de boire un verre de jus de carotte chaque matin. Et ça a l'air intense. Moi, jusqu'à temps qu'on ne se sente plus fatigué. Ouais. Ouais, ou vraiment que ton corps, inconsciemment, ait plus envie d'être fatigué parce qu'il veut plus boire de jus de carotte. Parce qu'il veut plus boire de jus de carotte. Mais tu sais, V8 et les autres se forcent à mettre des légumes dans leur jus, sûrement qu'il y a assez d'affaires bonnes là-dedans pour te réveiller un peu. Oui, au peut-être. Mieux, peut-être. Peut-être. Faudrait peut-être essayer. Essaye le jus de légumes le matin. Ben, ça prend un mauvais, ça. Jamais essayé. Ouais. On me dit que c'est bon. Mais, en tout cas, c'est un remède de grand-mère, plusieurs l'ont essayé. Ça dit que c'est très, très efficace contre l'épuisement professionnel. Ben oui, ben oui. Donc, allez-y, là, testez la carotte, si vous voulez. Là. Les infopubs de Ron Popeil à la TV avec son extracteur à jus, là, oui. Traduit en français. Là. C'est tellement excellent, puis il est tout le temps en train de vanter ça, puis il est rendu comme à 95 ans, encore parfaitement en forme. Ben oui. À moins qu'il soit mort depuis. C'est sûr qu'un extracteur à jus, j'ai pas vraiment regardé si c'est très, très dispendieux, mais évidemment, si on veut en faire un jus, soit de passer comme 4 heures devant le blender ou de justement aller s'acheter un extracteur à jus qui peut être dispendieux un petit peu, j'imagine. Ben, c'est que ça dépend de la compagnie. Tu sais, la compagnie Breville qui fait les cafetières aussi, ils vendent eux aussi des extracteurs à jus. Probablement que c'est pas mal plus cher que les autres. Probablement. Mettons, est-ce que tu veux un prix? Ouais, vas-y donc. Un extracteur à jus Breville Juice Fountain Plus. Le modèle? Aussitôt que la page a chargé, je te le dis. OK. Aussitôt qu'elle charge. C'est, ouais. Aussitôt qu'elle arrive. C'est quelques... 200$, voilà. Ouais, voilà. Alors, pour combattre votre fatigue, vous êtes peut-être mieux avec d'autres remèdes que je vais vous parler bientôt. Ça, c'est un modèle de luxe. Oui, en plus. Ouais. Le deuxième que je vous donne, en fait, c'est de faire infuser du romarin. Ah! Tu sais, la fameuse herbe, le romarin. Oui, pas le rhum qui va directement dans tes reins. Non, okay. pas celui-là. Celui-là, il va probablement vous assommer plus que d'autres choses encore. Ça va dans le foie, de toute façon. C'est sûr. Ben oui. Alors, c'est vraiment de faire infuser du romarin, d'y ajouter une cuillerée de miel et de boire ça le matin comme un café, en fait, comme on le ferait avec un café. Okay. Parce qu'apparemment que toutes les herbes infusables ont une très grande répercussion sur la fatigue. Donc, c'est-à-dire que ça va vraiment aider à venir combattre justement ce sentiment de lourdeur, là. Zombieisme. C'est ça. Oui, je n'aurais pu mieux dire, Mathieu. Tu vis dans un épisode du Walking Dead, mais un épisode particulièrement plate de la genre saison 2. Mais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment ça. Surtout ces temps-ci, parce qu'on est plusieurs à être... on, excluant la personne qui parle, à être en mi-session. Oui. Parce que je ne suis plus... Une chance qu'on n'est pas en mi-session. L'émission aurait-tu jamais lieu si on était en mi-session, pareil? Il y aurait un jour sur deux qu'il n'y aurait pas d'émission. C'est sûr. Malade. C'est sûr. C'est malade. Alors, pour tous ceux qui sont en mi-session, qui voient les répercussions du fait qu'ils ont brossé et travaillé toute la semaine, eh bien, essayez donc le romarin. Je ne l'ai pas essayé, mais sérieusement, ça me donne le goût de l'essayer parce que c'est comme... J'imagine que ça fait comme un thé. Oui, puis c'est comme... C'est des herbes, ça ne doit pas goûter mauvais en tant que ben, tel. C'est pas comme si tu passais à la tondeuse et tu prenais ça. Tu sais, oui, du romarin, ça peut sentir fort, mais en temps normal, ça sent bon, alors... peut-être que celle-là, je l'essaierai, mais c'est pas celle-là que j'ai essayé ce matin. OK. Hey, et en passant à parenthèse, avant qu'il soit rendu trop tard pour ça, oui? Ron Popeil est encore vivant, 80 ans. Ah, oh, moi. Animateur d'infopub. Ah, ben, moi. Ben, tu connais pas. Fais pas semblant. Ouais. Ben oui, je sais ce qui. Google l'image, là, tu vas le remarquer. C'est ça, plus tard. Bien, la sensation de fatigue. Pardon. La sensation de fatigue physique, là. Tu sais, quand on est vraiment fatigué, puis que là, ça nous pogne partout, là. Lié souvent au surmenage, soit qu'on se donne pas beaucoup de chance, qu'on reste éveillé très tard, là, on lève encore la main ici en studio. Oui! Ou, comme moi dans mon jeune temps, sors beaucoup, lève-toi de bonne heure. Ou surmenage encore pour... avec les études, évidemment, on le sait, de rester très tard pour étudier, ça arrive souvent lorsqu'on est à l'université ou encore au collège. Alors, cette sensation-là peut être dissipée quand même vite grâce au chlorure de magnésium. Chlorure de magnésium. Oui. Ça a l'air fancy. Je trouve que ça a l'air beaucoup d'un remède scientifique. Oui. Mais c'est un truc de grand-mère. En fait, ça s'achète du chlorure de magnésium. Et le truc, c'est d'en mettre 20 grammes dans un litre d'eau et d'en prendre un verre d'eau par jour. Ah! Alors, c'est de mélanger le tout, là, bien évidemment. Puis en fait, c'est parce que le chlorure de magnésium a un effet légèrement euphorisant. c'est ce que ça disait. Et ça va vraiment soulager la fatigue physique et psychique que vous avez depuis quelque temps, là. Il va aussi aider à sortir d'une période de stress, voire même de dépression. Parce qu'on le sait, on est comme dans la saison présentement que si on est vraiment très, très fatigué, on peut facilement tomber en dépression. En dépression saisonnière. Et là, évidemment, après ça, c'est un petit peu plus compliqué de se défatiguer, mettons. Exact. Adrien Gagnon en fait... En fait pas. Oui, bien, c'est ça. Du chlorure de magnésium, ça peut se trouver dans... je crois que ça se trouve en pharmacie et ça se trouve aussi dans les fameuses boutiques de produits naturels. Il y en a quelques-unes ici à Trois-Rivières. Donc, c'est quand même assez facile à trouver. Puis quand on cherche sur Google chlorure de magnésium, il y a un des résultats qui est cheveux blancs. Je sais pas si ça peut aider... Pour les cheveux blancs, peut-être, je sais pas. C'est intriguant, quand même. C'est intriguant. Mais souvent, les cheveux blancs sont créés par le stress. Alors, si la chlorure de magnésium vient vraiment apaiser une période de stress, peut-être que, justement... C'est ce que ça dit, des vertus insoupçonnées, élimination progressive des cheveux blancs. Caroline, j'ai besoin de ça. Je devrais être médecin. Bon. Ça prend aucune pas grand-chose, hein? Non, c'est ça. Pour que tu, te pour que tu crois en toi. Le prochain, c'est celui que j'ai essayé ce matin même. En me levant à 5h30, je me suis dit, là, je suis encore fatiguée. Je pense que je vais essayer un bon remède de grammaire que j'ai mis dans ma chronique d'hier. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un citron et que je l'ai mélangé à de l'eau bouillante, bien évidemment, et j'y ai mélangé un petit peu de miel. OK, donc le comme classique... Comme un café, exactement, oui. Eau chaude, miel, citron. Du mal de gorge, là. Du mal de gorge, oui. Mais t'as aucune... Tu sais, là, faut vraiment en mettre là, du jus de citron, okay, là. OK, OK, OK. Ayez pas peur, là. J'ai pris... un petit bouteille ou du vrai citron? J'ai pris du vrai citron parce que j'ai pas de petite bouteille de citron. Okay. Mais j'en ai mis, là. Tu sais, j'ai écrasé mon citron dans le fond de ma tasse. OK, toi. C'est ça. Tu mérites rien que ça. Exactement. Puis j'ai pas mis beaucoup de miel parce que je voulais vraiment voir un petit peu l'effet que ça donnait. Et naturellement, parce que le citron, c'est riche en vitamine C. C'est la vitamine C, on le sait, c'est, ça aide justement à donner comme une espèce de petit boost de l'énergie. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les, dans la plupart des agrumes, en fait, dans les oranges. Donc oui, c'est très recommandé pour lutter contre la fatigue. Ça va bien un matin? Oui, à date, là. Mais à date, encore peut-être psychologique, là. C'est peut-être... T'as raison, c'est peut-être psychologique. Juste le fait de passer ton citron dans le... Dans le truc à joue. Peut-être. Fâché. Mais hier, même si j'étais très fatiguée, je me suis dit, OK, là, je suis tannée d'être fatiguée, je me prends un espresso à matin. Ouais. Ça, c'était différent. Mais tu sais que l'espresso, c'est moins de caféine qu'un café normal. Oui, ça. Mais quand même. Ouais. Faut pas trop pousser, là, avec la caféine. Tu sais, j'ai en train de me dire qu'on pousse peut-être pas mal. Ouais, mais c'est quoi le problème? Ouais. Il n'y en a pas de problème. Mais en fait. Tu fais une chronique sur ça, sur les avantages et désavantages de boire trop de café. Ouais. Je devrais. Le truc, c'est d'en boire plusieurs fois par jour. Le truc au citron miel. Oui, exactement. Et c'est de faire un mélange de quantité égale du jus de citron et d'eau. Mm-hmm. Ce que je n'ai pas fait. Parce que j'en ai vraiment fait comme exemple une tasse d'eau chaude avec du citron dedans. Mais j'ai vraiment pris le trois quarts du citron et je l'ai effoiré. Ouais. Je prends vraiment le terme comme ça parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. Assez pour qu'il y en ait beaucoup. Là. Je voulais pas comme deux, trois gouttes de jus de citron. Là. Je voulais que ça goûte. Mais mettons, là, mettons que je vais, je sais pas, dans un café quelconque. Oui. Mettons, appelons-le la chasse-galerie, mettons. Et que je demande une eau chaude avec citron et miel. Citron, ça va être un quart de quartier de citron pour les coronas. Là. Probablement. Tu sais, pour le faire soi-même, c'est plus difficile. Oui. Faut que tu t'achètes des citrons. Wow. Ben, c'est pas si dispendieux, là, de non, s'acheter des citrons. Ouais. Faut pas capoter non plus, là. Ben non. Ça coûte pas mal moins cher que de manger à la cafétéria. Il faut quelque chose de facile. Oui, mais c'est quand même assez très facile. Ouais, mais pas au travail. Non. Tu traînerais pas un sac de citron au travail. Quand t'es fatigué, des fois, ça peut être une fois rendu au travail. Oui, tu pourrais. Tu pourrais. Ouais. On va essayer. Le dernier, moi, je suis vraiment restée surprise, en fait, de ce truc-là, parce que je connaissais... Ben oui, je connaissais en question quelle était cette boisson-là, mais je savais pas que ça avait vraiment une formule anti-fatigue, mettons. Le kombucha, je te gâche. Non, le lait de poule. Hein? What? Ouais. Le lait de poule de Noël? Ben oui. Wow! Tu sais, en plus, on tombe dans cette saison-là. C'est là, c'est parfait pour ça. Exactement. Ça dit que le lait de poule, c'est pas seulement une délicieuse boisson, évidemment, du temps des fêtes. Une fois par année, parce que c'est sucré en petit. Ouais, ben c'est ça. Il dit que ça possède également des vertus avérées permettant de retrouver la forme physique et mentale. Wow! Ouais. Donc, pour une action encore plus efficace, bien, c'est, il se prépare sans alcool, bien évidemment. Ça défait toute cette histoire-là. Oui, hein? Et en fait, dans un bol, on bat un demi-litre de lait tiédi. Tiédi? Tiédi. Okay. Avec deux jaunes d'œufs, très frais, et une grande cuillère de miel. Miam? Pour le sucrer encore plus? Sûrement. J'imagine que c'est pour le sucrer de façon naturelle. Oui. Mais je ne savais pas ça. Ça a l'air délicieux, ça, comme petit drink en partie de Noël. Ouais. Ça a l'air bon. Tu sais, comme tout le monde va être réveillé si vous faites boire ça. C'est ça. Tu sais, si vous avez vraiment une grosse fatigue, j'ai le goût de l'essayer, celui-là, en fait. À part le jus de carotte, là. Ouais. Pas mal tous les remèdes que j'ai donnés ce matin, ben les remèdes, les recettes, mettons, de grand-mère que j'ai données ce matin, me donnent pas le goût de vomir. Non. Alors, je serais tentée à tous les essayer, à part le jus de carotte. Ben, tu préfères une version alcoolisée de ça aussi. Tu sais, si à la place de mettre de l'alcool dans ton eggnog, tu mets de l'alcool dans ton jus de carotte. Ouais, mais moi, c'est déjà, en partant, le jus de légumes, je trouve la texture dérangeante. C'est une question de texture. J'avoue, la texture est importante. C'est pas le goût, nécessairement. Non, c'est pas le goût, nécessairement, parce que j'en mange des carottes. Là, j'ai aucun problème avec la carotte en tant que telle. Là. C'est la texture mise en jus. Tout à fait. Tu sais, non. Non. Non, je suis désolée. Refusé. Exactement. Bon. Alors, le lait de poule, ça donne vraiment le goût de l'essayer, en fait. Je suis vraiment tentée. J'en ai vu, là, à l'épicerie, il me semble, cette semaine. Mais je serais tentée, par exemple, de le faire vraiment par moi-même et non pas d'aller chercher le lait de poule en épicerie. Lui est trop sucré. Ça, peut-être trop sucré. Mais si sérieusement, vous avez le goût de l'essayer, que vous êtes fatigué et que vous vous dites, bon, ben on se donne pour la cause d'assemblage requis, je vais tester le lait de poule fait maison, ben faites-le, s'il vous plaît. J'ai vraiment le goût de savoir si c'est bon fait maison, premièrement, et si, deuxièmement, ça fonctionne bien. Et en plus, Tania est une bonne chroniqueuse, contrairement à moi, et poste ses affaires directement sur la page Facebook pour que vous puissiez laisser des commentaires. Oui. Donc, faites-le, s'il vous plaît, please. Thank you. Je vais aller mettre ça, d'ailleurs, sur la page. C'est pas déjà fait, d'habitude, c'est toujours déjà fait. Mais d'habitude, ça se fait pas mal pendant la chronique. Mais là, je vais t'avouer que je vais le faire tout de suite après. Probablement pendant la chanson qui va jouer. En l'écoutant, bien sûr. En l'écoutant, bien sûr. C'est une artiste que j'ai fait jouer un petit peu plus tôt cette semaine, encore une fois. On avait entendu Borderline de cette artiste-là, qui est Tove Stierk. Mais là, ce matin, je me suis dit, on va y aller un peu avec fatigue et essayer de combattre la fatigue. Alors, on va aller écouter l'extrait High and Low. T'es un petit peu trop cute avec ça. Un petit peu trop cute. Assemblage requis.

Bref, merci Sébastien Vigard. Merci à vous. Je dirais, à la semaine prochaine. On se prend une petite pause et on revient avec Google Globe. Frédéric Bernard va être avec nous à 7. FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Hey, là, moi, la pub qui vient de jouer avec du jazz progressiste, là, ça marche pas par tout de suite, ça, là. Hey, le one minute, là. Gros débat. Toujours à Assemblage Reiki, on est mercredi 4 novembre 2015, 8h37, Jean Style, Tania Baudin, là. Avec Mathieu Plante. Oui, Frédéric Bernard s'en vient avec Google Globe, on va explorer un petit peu les raccoins d'Internet, là. On va souhaiter avoir de la chance, comme sur Google, j'ai de la chance, personne ne clique jamais dessus, mais c'est encore... Pourquoi est-ce qu'il est encore là, ce bouton-là? Personne s'en sort. Je sais pas, hein. En tout cas. Donc c'est au retour, mais avant ça, une pièce de Kurt Vile. On l'a ce adoré fameux, hier. Ouais. On trouvait que ça faisait mal comme nom. C'était vraiment très, très viril. On l'a fait jouer au palmarès, c'est fou. Ça va rejouer mardi prochain entre 15 et 18 heures. Mais pour l'instant, écoute, j'aime ça avec ma voix aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Pretty Pin Pin, Kurt Vile. 80 FM, c'est fou. Some strangers' teeth, but they were my teeth. C'était Kurt Vile et Pretty Pimpin, pièce des Palmarès. C'est fou sur le côté anglophone. Est-ce qu'on a pris la pause tantôt? Oui. On l'a pris? On l'a pris. On est revenu. On a présenté Kurt, qu'on trouve que c'est un nom très viril. Puis, oui. Fait que t'es en train de me dire qu'on va jouer une autre chanson, même. Comme ça, sans rien dire entre les deux, aucun contenu. Là, juste, hein. Tu veux même pas faire une joke de pet. Ben, fais-en une. C'est ça. Non, hey, tu voulais nous parler rapidement. Parle-nous rapidement de ton article sur les signes que t'es accro au vin. Ben oui, non, mais j'étais sur tant de catalogues, en fait. C'est un site internet que je visite quand même assez souvent. Puis... C'est un site anglophone, là. Vous ne pouvez pas aller le voir si vous lisez pas l'anglais, malheureusement. Mais c'est un article qui dit que... qui défile 10 signes que vous êtes dans une relation ouverte avec le vin. Je me retrouvais... Donne-nous des exemples. OK, vous avez minimum 3 pièces de linge qui ont des taches de vin dessus. Oui. Vous avez un type de vin go-to. Tu sais, exemple, vous allez tout ton le temps préféré, faire comme... c'est le Wallaroo Trail. Oui, c'est ça. Tu sais, comme... moi, j'aime bien les Merlots. Oui, c'est ça. C'est comme... Oui, les Pinot Grigio. C'est ça. Ça vous dérange pas les affaires vraiment cheap? Oui. On discrimine jamais le vin. Ben, en autant que ça se boit. C'est ça. Exactement. Voilà. Le vin, vous avez vu, à votre pire, de toute façon. Donc, il peut pas te juger, le vin. C'est ça, exactement. Tu l'as vu dans un très pire état que ça. Vous le buvez à l'aéroport en attendant votre vin. Pour Las Vegas. Exactement. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Votre verre de vin se retrouve plus souvent sur le côté de votre lit que sur le comptoir dans la cuisine. Et puis, les gens vous achètent du vin pour les fêtes ou pour votre fête. Ah oui, ça dit tout ça. Ça dit tout. Tu mettras l'article sur Facebook pour ceux que ça intéresse, s'il certainement. Te plaît. Pendant que nous, on prend une autre pause musicale avant de recevoir Frédéric Bernard et sa collègue Google Globe. On écoute LV avec Return to the Moon. Ah, ça va jouer. With a leg of a cricket and I got triple Jesus. Cashed it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are fired. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the moon. Please. But I saw one of fish from a colorblind witch, 'cause she said she loved it. Tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon. I'm tired. to the Moon, assemblage requis au 89.1 FM. Comme on le fait chaque semaine, on va mettre notre habit de cosmonaute à astronaute, dépendant d'où on vient. Oui. Et on va aller parcourir la planète web. Mm-hmm. Les interwebs, comme disent les journalistes à la TV, sachant pas que c'est complètement un gag, ça. Ouais. On m'a fait remarquer récemment que les journalistes ont l'air de dire interweb de ces temps-ci comme de façon non ironique. C'est vrai. Ça n'a aucun sens. Bref, c'est Frédéric Bernard. Voici Google Globe. C'est Google Globe, le moment où on se fait attaquer par Internet, on se fait donner une grosse claque d'en face par le web. Salut Frédéric. Salut Mathieu. L'explorateur urbain du web du... faudrait y trouver un autre nom que celui de Dominique Arpin. Hein? Ouais. Patrouilleur du net, explorateur urbain. Je sais pas. Bon, qu'est-ce que t'es? Je suis un homme qui fait son devoir. Un homme qui fait son devoir, ça peut être. Mais bref, tu nous as trouvé un paquet de choses en lien avec une question que tu as posée à Google. Oui, comme d'habitude, j'ai posé une question comme ça à Google pour avoir pas nécessairement une réponse, mais pour voir qu'est-ce qui en sort. Alors, qu'est-ce qui en ressort avec cette question-là? C'est ça, il faut que tu y fasses des préliminaires avant qu'il te donne des réponses. Exactement. Alors, j'étais chez nous, comme plusieurs fois dans ma vie. Étais-tu habillé? Oui. Okay. Oui, j'étais chez nous, j'étais habillé. J'ai regardé la télé, je me suis dit, bon, je regarde la télé, je suis chez nous, je mangeais, je me rappelle plus quoi, mais je trouvais que j'avais une vie un peu, à ce moment-là, un peu fade. C'est même plate, que c'était même pas bon ce que j'écoutais à la télé. Là. Des fois, c'est juste le fun d'avoir quelque chose à regarder, même oui, si c'est pas ça. Bon. Oui, c'est ça. Puis, c'est l'idée même de. Non, je veux dire, un poste de télé, c'est ça. C'est l'idée même d'un poste de télé. Ouais. Tout est plate à la télé. C'est ça. Donc, j'ai le regard qui a vogué vers l'extérieur, alors vers la fenêtre, et j'ai porté mon regard au loin, et je me suis dit Ah oui! C'est plus beau dehors qu'à TVA. Oui, et c'est ainsi que m'est venue la question: comment devenir un super-héros, Mathieu? Ah ben oui, ok. Oh my god! Oh. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tes questions deviennent? J'en parlerai en honte. Quand il dit qu'il était habillé tantôt, il ne portait qu'une cape. Ah, c'est ça, exact. Oui, c'est tout. C'est ça. J'ai sauté par la fenêtre et j'ai compris que ce n'était pas mon destin. J'ai brisé le pénis. Donc voilà, alors j'ai posé la question à Google, ben, comment devenir un super-héros? Je m'attendais à avoir des réponses, je ne m'attendais pas à avoir uniquement que des réponses. Je veux dire que les premières pages, c'était que ça, des pages de comment devenir un super-héros. Des vraies pages. Des vraies pages, alors de façon sérieuse, alors comment devenir, c'est assez carré. Okay. On niaise pas avec ça, avec Google. C'est devenir un super-héros, c'est sérieux. OK. Alors, j'ai posé cette question-là. Et dans les premiers, comme je vous dis, les premières pages, j'ai trouvé des résultats qui me disaient comment devenir un super-héros. Et je suis tombé sur WikiHow. Oui, un autre WikiHow. Notre merveilleux ami qui s'infiltre presque dans chaque chronique. Mm-hmm. Alors, WikiHow qui a une page complète sur comment devenir un super-héros. Avec des dessins, ma foi, inspirants. Ah oh, waouh, oui, très inspirant. Mathieu, toi, tu peux pas voir. Malheureusement. Les dessins, je vous laisserai aller voir, mais les dessins, c'est pas des dessins de super-héros. T'as l'impression de voir quelqu'un qui se déguise pour l'Halloween. c'est pas mal ça. Alors, le premier point, c'est choisissez vos super-pouvoirs. Toi, Mathieu, ce serait quoi ton super-pouvoir? Ce serait l'intuition féminine. Non, je sais pas. Crois-moi, tu veux pas ça. je sais pas. Ça serait peut-être... Tu sais, tout le monde, les classiques, l'invincibilité, je pense. L'invisibilité. L'invisibilité. Pas l'invincibilité. Tu pourrais être invisible. Invisible. Ah, OK. Quand je regarde les choses, là. Okay. Je veux même pas savoir. Avez-vous un super-héros préféré? On n'a même pas... Hey, on l'a pas déjà On en a parlé avec Gabriel Béhout dans le temps où on disait à peu près n'importe quel bullshit pour remplir ça. Ça a changé. Ben, c'est ça, le concept de la chronique est toujours là-bas. Mais je pense que moi, c'était Mario Bros. Ouais, quelque chose de même. Si on peut dire que... J'irais avec Batman pour tous les classiques. C'est vrai que Batman. Mais c'est fort. Le Batman avec quel acteur? Michael Keaton? Non. Hey, c'est quoi son nom déjà? George Clooney. George Clooney. George Clooney, voilà. George Clooney, ah, voilà. Ah ouais, t'es le George Clooney Batman, toi. Ouais, moi, je suis dans George Clooney. Ça fait un job. Et ta boîte, qu'est-ce que tu veux? Toi? C'est quoi toi? Ton... Ah, moi, c'est sans compter ce Spider-Man. Ah ouais? Je veux dire, il y a des répliques sanglantes, il tire des toiles, c'est un homme araignée, puis il y a un costume rouge. Oui! Okay. Rouge comme les libéraux. J'ai un ami qui s'est fait son costume sérieusement en latex pendant un an pour l'Halloween. Il a réussi à le faire, ouais. Wow! Okay. C'était malade comme costume d'Halloween. Hey, je vais dire une frustration, OK? Là, je suis à radio, on me donne un micro, j'ai le droit de faire ce que je veux. Es-tu vraiment à radio? Spider-Man, là. Ouais. Ça me frustre que ce soit le seul Marvel qui n'a pas eu un film bon à date. En tout cas. Oh, hein? Ça, c'est dingue. Ouais. Avez-vous vu le dernier Daredevil? Non. Ah, sur Netflix? Sur Netflix, oui, c'est ça, la série. Non. Je rêve d'un Spider-Man dans cet univers. C'est meilleur que le film avec Ben Affleck. Oui. Oui. D'accord. Ben, surtout que Ben Affleck, il joue Daredevil, joue pas Spider-Man. Non, mais il a dit le plus récent Daredevil. Parce que Spider-Man est dedans? Oui, c'est le dernier, Daredevil, celui dans la série, c'est Ben. Oui, exactement. C'est ben? Non, c'est pas dans la... Non, c'est pas Ben. Non, OK, c'est celui qui a fait le film. Le film, oui. Ah, ça, on s'en fout. T'es mêlé. Ouais. Dans le matin. Comme je disais, choisir son super pouvoir. Nous, c'est... Ensuite, vous devez songer à votre avenir. Oh. OK. Ouais. Mm-hmm. Fait que, à qui vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez vous battre. Je vous le dis, il y en a genre 35, là, des petits points comme ça. Là. On va tous les faire. La grande question de la vie, quoi. je trouve ça bizarre, ça. Choisissez votre faiblesse. Ah, mais chaque super-héros a une faiblesse. Là. Oui, je veux bien, mais t'as choisi pas. Non. Sinon, si t'as choisi, ben corrige-la. Il y a pas tort, là. Oui, mais tu sais, mettons, Batman, tu sais, ses parents sont morts devant lui, tu sais, genre, je sais pas trop quoi, là. Fait qu'il est tout le temps, ouais, c'est ça. Tu peux pas changer ça, là. Ouais, mais Batman... Mais il l'a pas choisi non plus, non. C'est arrivé. C'est ça, mais là, t'as pas tué tes parents pour avoir une faiblesse comme Batman. Spider-Man, c'est Mary Jane. Ouais. Lui, il est juste niaiseux. C'est ça. On appelle ça un gars. excusez. Ensuite, point 4, trouvez-vous un nom. C'est important. C'est trouver un nom. Puis là, il faut créer l'histoire de nos origines par la suite. Fait que ça te prend une histoire qui fait pleurer. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que généralement, avec du meurtre, puis dire que vous êtes orphelin, généralement, ça fonctionne. Ouais, parce que je pense que j'ai pogné un site où ils retracent que tous les super-héros ont été orphelins à un moment de leur vie. Ou ils ont tous perdu quelqu'un. Oui, c'est ça, ils ont tous perdu quelqu'un. Ou aux élections, ils sont tous orphelins politiques. Oui, exact. Ça fait pitié. Exactement. Donc, maîtrisez votre identité, conservez votre tenue, ça revient à son costume. Avoir des gadgets, on sait que Batman, ce n'est que sur des gadgets. Il faut avoir un monsieur qui fabrique des gadgets, là, comme dans James Bond aussi, puis comme Alfred dans Batman. Ouais. Alfred, moi, là, ça pue-tu avec lui, mon super-héros préféré, Alfred, man. Hey, toi, t'aimes les hommes d'âge mûr, hein? C'est ça. En tout cas... Non, mais tu sais, il est sexe, Alfred. Mais Alfred, il fait pas les gadgets. Non. Il est juste cool, il est tout pas là. Il est juste présent. C'est un serviteur. C'est Alfred. C'est Alfred, tu peux pas manquer de respect envers Alfred. C'est qui? C'est Q qui fait les gadgets dans James Bond, c'est ça? Je pense que Oui. J'avais Batman, moi, en tête. Non, si c'est James. Oui, t'as raison. C'est tout. C'est Alfred all the way. Oui. Faut choisir une musique qui nous ressemble. Oh boy. Ouais, j'avais le mot de Alfred Hitch My Cock à quelque part là-dedans, j'ai pas fait. Tabarnouche. Une chance que j'ai pas fait. Bon, ben on va sortir de Wikia. Ok. Bonne idée. Ensuite, je suis tombé sur un site Comment devenir un super-héros. Oui. Selon Stanley. Ah, Stanley, ça c'est. Stanley, tu sais pas c'est qui Stanley? C'est Superman, ça, non? Ah, ok. C'est le créateur de plein de bandes dessinées. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait tous les Marvel. Tous les Marvel. Oui, okay, lui, c'est lui le père des Marvel. Oui. Okay, il a tout créé. C'est ça. Il a tout fait de lui-même. Puis, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'il décrit un peu comment, ben, dans le fond, créer un super-héros. Alors, pour la BD. Alors, lui, c'est plus dans cette optique-là. Il a-tu perdu ses parents, lui? Stanley? Non, je pense pas. J'ai pas beaucoup parce que, lu sur Stanley. Parce que, tu sais, peut-être que ça pourrait révéler bien des affaires sur ses personnages. Ouais. entre autres, on parle, il donne des exemples, fait que pas besoin d'avoir un cerveau hors du commun. Fait que là, il donne comme exemple Hulk, quoi qu'en même temps, Hulk, il nomme Hulk, Peter Parker, Tony Stark, c'est tous des gros cerveaux dans les Marvel, mm-hmm. Tous des personnages qui sont très intelligents, des grands scientifiques. Mais après ça, il nomme Captain America, il en nomme Wolverine, fait que c'est des gens qui sont physique? Oui, mais ils subissent plus l'état dans lequel ils sont, plus qu'ils en sont responsables. C'est bien. Oui. C'est beau, hein? Oui. Je trouvais ça beau. Je t'ai même pas aidé. Oui. Est-ce que vous avez vu le dernier Captain America? J'ai rien vu. Contre le soldat de la neige, là? Oui, oui, oui. The Winter Soldier, comme il est Oui, c'est ouais. ça. Je l'ai vu. As-tu aimé ça? Moi, j'ai aimé ça. OK. Je savais pas que la version française, c'était contre un soldat de la des neiges. Oui, exactement. Puis tu vois qu'il bégaye. Tu sais, il était pas sûr quand ils l'ont écrit. Puis plusieurs. De... Ben oui, moi j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça bon. Okay. Non? Ben je sais pas. J'ai autre ça bat pas les Batman. Ouais, non, les derniers ça. Batman. Ça les bat pas. Moi, pour moi, ça reste les meilleurs films de super-héros qu'il y a eu à date. Ouais. Ouais. Tout à fait. Okay. T'as pas aimé les derniers Batman? J'ai vu aucun de ces films-là. Je me sens tellement comme pas geek. Ça... J'ai rien vu. T'as vu aucun film de super-héros? J'ai vu aucun film de super-héros de ma vie, je pense. Quoi? Ouais. Je sais. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tout sauf ça. Moi, j'avais un frère pour me les imposer quand j'étais jeune. Okay. C'est pas vrai, on faisait des fins de semaine de films de super-héros. C'était malade. Ben oui, c'est bon. C'est plein de bonnes valeurs, puis ça te construit en tant qu'être humain. En tout cas, ça te dit qu'un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Ça, c'est juste dans un film. Trouve lequel. Ah. Et c'est dit par qui? C'est comme c'est un la concours. Fin de l'émission. C'est comme un concours. Ouais. Okay. Qu'est-ce qu'on gagne? Un café. Okay. Ensuite, Stanley nous dit... Moi, j'en reviens tout le temps. T'as pas le droit de googler, là. Ouais, c'est ça. Alors, le passé qui nous dit... Alors, il faut... oui, il dit qu'on a tous vécu des gros moments rough. Tous les super-héros vont avoir vécu des moments rough avant. Mais par la suite, il faut qu'ils passent à l'avenir. C'est à ça que les super-héros se doivent de penser pour pouvoir défendre la veuve et l'orphelin. Ensuite, il dit qu'il faut passer à un nom original. Et c'est ça que je trouvais le plus drôle. Stanley a quand même inventé plus de 350 personnages. Oui. Wow, quand même. Il y en a des moins populaires que d'autres, là, mais. Oui. Il y en a que je pourrais vous nommer que je suis pas mal sûr que vous avez aucune idée c'est qui. C'est you. Doctor Strange. Non. Mmh. Hein? Pas. Connaissez-vous? Attendez, j'en cherche un autre. Le point, c'est que je suis sûr que certains de ceux-là qu'on connaît pas beaucoup de Marvel ont inspiré d'autres personnages qui sont devenus par la suite pas mal plus. Oui, probablement. Ben, si on regarde dans les premiers... Non, les premiers super-héros de Stanley sont pas mal connus. Mais il y en a toujours... Il y en a beaucoup dans Marvel, vu que c'est des univers croisés, qui vont se servir de ces super-héros-là qui ont peut-être moins pognés, puis qui vont les ramener ensemble. Ah, ben, de Doc, je me rappelle plus exactement son nom. Je pense que c'est Mr. Doc. C'est un... Le personnage de super-héros, lui, il est bizarre. OK, je vous en parle. Lui, c'est un personnage. Le super-héros, c'est un canard. Mais il vient d'une bande dessinée. Il a sorti de sa bande dessinée pour venir dans notre univers. Puis il a des super-pouvoirs. Ah! À un moment donné, ben, il se retrouve avec un croisé avec Spider-Man. Genre, ils deviennent alliés. Faisais-tu de la drogue, lui? C'était dit, probablement. Peut-être, hein? Mais c'est tout ça, l'univers Marvel. T'as plein de personnages que tu fais comme... OK, mais pourquoi? Ouais, c'est vrai. Donc, moi, j'adorerais ça voir un croisement entre certains personnages Marvel puis genre James Bond. C'est possible. Ça serait malade. Il y a des croisements pas possibles qui se sont produits là-dedans. C'est juste hallucinant, là, les croisements qu'il fait. Donc, s'il a fait plus de 350 personnages, il a essayé de trouver plus de... il a fallu qu'il leur trouve des noms à tous ces personnages-là. Donc, à chaque fois, il explique que là, il trouve des noms, puis que quand il a trouvé un bon nom, il dit que c'est toujours la partie la plus compliquée, qu'il la tape sur Google et qu'invariablement, il y a 500 autres personnages qui apparaissent. Wow. Qui a déjà ce nom-là. Il y a l'homme pourpre. Puis là, ce que je trouvais drôle, c'est qu'il disait qu'une fois, il a tapé le nom d'un de ses personnages et un personnage a apparu qui avait déjà ce nom-là et s'est rendu compte que c'était un héros qu'il avait lui-même créé dans les années 50. C'est comme il se souvenait pas. Il a créé la Human Torch, la grosse torche humaine. C'est lui qui a fait ça. Ouais. Ben, en fait, il a fait les Fantastic Four dans laquelle il y a Human Torch. Oui. Cool. Plein d'affaires. Hey, la liste, là... Et en ordre alphabétique, là, si vous voulez aller chercher, c'est Characters Created by Stanley. Sur Wikipédia, il y en a vraiment beaucoup comme ça. T'as-tu un espèce de tableau où ils décrivent vite, c'est qui ou c'est juste les noms? Tu cliques sur les noms, mais chaque personnage a un lien Wiki. Un lien parce que c'est Stanley, donc il est connu. Donc chacun de ces personnages, aussi obscur soit-il, a sa page. Ça pourrait être une chronique, ça, à quelque part, genre les personnages obscurs. Je la laisserai à Fred, celle-là, regarde-moi pas là. Non, mais ça a l'air c'est cool. C'est genre cette semaine on parle, je sais pas, Abner Jenkins. On parle de Asbestos Man. Asbestos Man? Ouais. Tu sais, ça serait le fun ça. On parle de Blob. Blob. Je vois pas. Blob. Attends, on va faire une recherche là-dessus. Ouais. Ça va être un spécial. Donc comment on devient un super-héros? Oui! Ben, finalement, ben, il parle du costume, puis il parle de la chance. Il faut avoir de la chance. Bon, lui aussi. Ouais. directement. Combien ça coûte de devenir un super-héros? Ouais, le costume, oh, pas trop cher. Ouais, j'avoue. Ouais, ça, c'est dispendieux. Ouais. Puis, ben là, c'est sûr que c'est un peu cheaté, là, mais bon. Fait que, dans le fond, je suis tombé sur le site internet, alors, qui décrit, dans le fond, combien qu'un super-héros, à son origine, aurait dû coûter avec le coût des matériaux à l'époque, versus 2013. OK. Fait que c'est quand même plutôt intéressant. On se rend compte, par exemple, que Spider-Man, dans les années 62, aurait coûté pour son costume, pour... il parle des accessoires parce qu'il y a une caméra, ses bracelets pour tirer des... Parce que oui, Spider-Man a des bracelets pour tirer ses toiles, ce n'est pas acquis. Oui, c'est vrai. Dans les années 60, il aurait coûté 7888 $. Ouch. Et dans les années 2013, il aurait coûté 83 908 $. C'est trop. C'est beaucoup. Beaucoup. Maintenant, Batman. Ah. Qui est probablement le personnage qui coûte le plus cher. On est dans les 10 000 quand même à son origine en 1939. Alors, 10 253 $. Et en 2013, on sera... Hey, je suis même pas sûr de comment prononcer le chiffre. 134... Millions, ça? Ouais, c'est des millions. 134 735 100 $. C'est ça, exact. Mais c'est parce qu'il compte le coût de la kryptonite à 25 000 $, le coût d'un grapple gun à 50 000 $, oui. Le bat-phone à 60 millions, c'est bon. Ouais, c'est hein? Ça, t'sais, il décortique tout. Le téléphone à 60 millions, je sais pas de quelle compagnie ça vient. Et je viens de voir ça, mais son grapple gun, son gun pour grabber. Ouais. Son grappin. Son grappin. Voilà, c'est ça en français. Son grappin coûte quand même 50 000 $. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce qui est le plus cher. Mais j'imagine qu'il y a de la science derrière ça. Oui, ben oui, oui, oui, oui. Je suis un peu déçu, je voulais m'en fournir un pour Nel. En tout cas, Hulk, bon, probablement dans les moins chers, justement, là, dans les 415 740 $ pour aujourd'hui. Superman, qui coûte, c'est probablement lui le moins cher de tous. Ben oui, il a tout acquis. Ah ben oui. Ben oui, il a tout volé, il a juste son linge à payer. C'est quoi qui coûte plus cher, lui? Son smartphone. Ben oui. Ah, mais t'as vu, les affiches sont commanditées par le Samsung Galaxy ben S4, oui, hein? Fait qu'ils ont tout un cellulaire super cher. Là. Ben oui, c'est ça, ils ont tous des cellulaires. J'ai hâte de remarquer ça, ça n'a pas rapport. C'est un peu du placement de produit. Ben oui. Mais bon. Caroline, Wolverine, c'est lui qui coûte un des plus chers à cause qu'il est tout fait en métal. Ah, ben mais oui. Mais oui, c'est plate de même. Wolverine, c'est un Marvel lui aussi, non? Oui. Ben oui. Superman, non. Batman, non. Okay. Je fais tellement rire de moi quand je sais pas la différence entre un personnage de DC et de Marvel. Puis là, les gens sont comme tout outrés. Puis ils savent automatiquement de où, de quel bord c'est. Voyons, non? Moi, dans ma tête, ils se tiennent tous ensemble. Ben, c'est ça, moi aussi, c'est des super-héros. Il y a un club de super-héros. Exactement. Clairement. Ils sont tous amis. Ils fument des cigares. Ils sont tous amis. Ben oui, ils fument des cigares ensemble. Il y avait une émission quand on était jeunes où justement, ils étaient tous amis. Mais c'était juste d'un bord. En moins? Ouais. Ben, ils font beaucoup de croisés dans les jeux vidéo aussi, Marvel, VS Versus Comics. DC Universe, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ils l'ont fait aussi avec Mortal Kombat. Ouais. Donc, sauf que je pense que c'était DC Comics. Comics, ouais. C'est bizarre. Une application pour devenir un super-héros. Hein? Fait qu'on peut devenir un super-héros grâce à notre cellulaire. As-tu commencé par le Samsung Galaxy S4, ça aussi? Non. Je sais pas. Donc, la première application qu'ils nous proposent, c'est une application, ça s'appelle... Akinator. C'est pour lire dans les passés. Akinator, ok. Akinator. Oui. Fait que ça nous permet de lire dans les passés. Une autre qui nous permet d'être comme Magneto, alors de contrôler le métal. En fait, c'est juste un détecteur de métal. Fait que c'est juste trouver le métal. Fait que c'est un peu de la bullshit. Mais pour lire dans le passé, c'est quand tu scannes l'autre personne. Genre? Mais c'est physiquement impossible de détecter du métal avec un iPhone. Avec un iPhone, moi, je sais pas comment ça fonctionne. Je pense que je vais le télécharger puis je vous reviens là-dessus. Ouais. Une autre application pour changer notre apparence, mais ça, il y en a 1000. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, ils font juste des comparatifs avec les super-héros. Alors, je vous dis les autres sans vous dire c'est quoi les applications. Fait que une pour devenir invincible comme Wolverine, puis une pour contrôler le temps comme Tornade. Puis c'est pas mal ça. Finalement, wow, c'était bien mieux de même, j'aurais dû commencer de même. Une grosse partie, ouais. Bon, on va plus aller voir les applications comme ça. Par la suite, alors, je suis tombé sur le deuil des héros. Fait qu'on en a parlé, justement, ces héros qui sont en deuil, alors qui ont perdu des personnes. Alors, j'ai un lien, justement, qui parle de ces deuils-là, alors de Batman, Spider-Man. Je pense que c'est dans ce lien-là, par contre, qui parle aussi de Tony Stark, qui est Iron Man. Oui. Qui a aussi perdu ses parents, mais c'est pas tant précis. On sait pas trop pourquoi, hein? Ben, c'est pas... je comprends pas pourquoi ils en parlent puis ils disent que c'est nécessaire, parce qu'à ce rythme-là, ben je peux te dire que Doctor Strange aussi a perdu ses parents, puis Xavier aussi, vu que c'est des personnes qui sont assez vieilles, fait que tu dis que ses parents sont morts de vieillesse. Mm. Fait que en tout cas, c'était ma partie révoltante. Ouais, mais ça reste que c'est une source sûre, c'est le Centre national de ressources de soins palliatifs qui poste cet article-là. Ben oui. Pour vrai? Oui. Ça a l'air bizarre du même, mais c'est vraiment... C'est vrai, j'avais oublié, j'avais vu ça justement, puis j'avais vu en fait le lien avant de voir de quoi ça parlait. Puis ben, c'est le deuil avec les super-héros. C'est un vrai article. Ben oui. Ben Moses, hein? Ça veut dire qu'il y a un médecin qui était geek. Probablement. Vas-y. ensuite, bon, ben les films de super-héros, alors de la vie courante. Alors c'est trois films en fait. Je sais pas si je peux te laisser t'y rendre sur ce site-là, Mathieu. C'est vraiment trois films. Il y a Kick-Ass. Oui. Puis il y en a deux autres. Defender et Super, le film Super de James Gunn sorti en 2011. J'ai vu Super passer la bande-annonce, mais j'ai pas vu le film. Mm-hmm. J'ai vu Kick-Ass, moi, là-dedans. Oui, Kick-Ass, oui, avec... ouais. Chose. As-tu vu Kick-Ass? Chloé Grace Moretz, exactement. Ouais. As-tu vu Kick-Ass, Mathieu? J'ai pas vu, mais il m'intéresse ce film-là, mais j'ai pas encore vu, parce que j'ai vu aucun film de ma vie. Il y en a sorti un 2? Oui. Je l'ai pas vu. J'ai vu, il est correct. Les mêmes acteurs. Ouais, les mêmes acteurs. C'est drôle parce que dans le 2, normalement, c'est Jim Carrey. Jim Carrey, merci. J'avais t'étais, t'étais non, à 3-4 dizaines de lettres. Je me suis dit, je vais prononcer tous les mots avec un J. À un moment donné, Mathieu, il va me rattraper. John James. Donc, Jim Carrey était supposé jouer un personnage dans le 2, dans Kick-Ass 2. Ouais, c'est vrai. Finalement, parce qu'il était vraiment un fan du 1, pour ceux qui ont vu le 1, on sait à quoi ça ressemble. C'est Kick-Ass en maudit, ouais, c'est ça. Puis Jim Carrey, finalement, à la dernière minute, a dit qu'il ne ferait pas le film parce qu'il trouvait que le film était trop violent. Sauf hey, c'est vrai que c'est violent quand même. Hein? Ouais, mais t'as vu le 1 puis t'es fan du 1. Ouais, peut-être que le 2 était pire. Ben, pas tant. À l'écrit. Ah, putain. Moins de tâches de ça à l'écrit, je pense. Ah ouais? Ben, too bad pour lui. Ben, c'est ouais, ça y apprendra. Donc, l'autre, c'est Defender de 2010. Hein? Le film Defender. Oui, ça, j'ai aucune idée, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. J'ai l'image, elle me dit quelque chose, mais je l'ai pas vu. Ouais. Alors, un site pour vous donner 20 outils pour devenir maître en marketing. Oh! Ça s'est glissé là. Des premières pages. Des alors, fois, il y a des intrus. Des petits intrus. Ben oui. Fait que ça s'est glissé là, alors, pour devenir maître du marketing. Le Journal de Montréal qui retrace les héros de la vie courante. Fait que les vrais héros qui existent, fait qu'il y a des gens qui se déguisent en héros et qui vont sauver le crime, tout. Puis le Journal de Montréal a fait un article là-dessus. De vraies personnes saines d'esprit. On ne juge pas, Mathieu. On ne juge pas. Moi, je juge jamais. J'ai mis aussi un lien. Ensuite, c'est un lien du film Deadpool. Alors, juste l'annonce, parce que c'est probablement un super-héros que j'ai très hâte de voir son film. C'est un héros qui a la réputation de briser le troisième mur. Il parle. Le quatrième mur, par contre. Le quatrième mur, excuse-moi. Oui. Troisième mur, c'est soit celui du fond ou celui du côté. Ouais, c'est ça, le quatrième mur. mon Dieu, à ma tête, ça va bien. Hein? Donc, c'est quand on lit ses BD à lui, à Deadpool. Dans une page, il peut dire « Oui, ben voilà, j'ai trouvé tel indice. » Puis un personnage qui fait « Mais t'as trouvé ça où? »« Ah, oh, j'ai trouvé ça à la page 22. » Ah, c'est drôle, ça. C'est son genre de joke, c'est son genre de gag. J'aime ça. Ça va être joué par Ryan Reynolds? Oui. Ben, c'est ça, je suis en train de regarder la bande-annonce. Mais il fait tout, lui. Il a fait Green Lantern, puis le... c'est là que je l'ai ça vu. Ça va être mêlant. Green Lantern, c'est un DC, par contre. Wampi. Puis ça, c'est un Marvel. Mais là, c'est pas la même chose. Ah, fait pas, que, c'est pas le même univers. Fait que le droit de jouer les deux parce que c'est pas dans le même univers. Parce que pour sinon... moi, ça passe. Oh, fuck. Ouais. Prendre Human Torch pour jouer le Captain America, ça, c'est bizarre. En tout cas. Ouais. Après ça, tu vas me dire que t'as trouvé ça bizarre que dans X-Men, ils prennent un noir pour jouer des enfants. Ça, c'est du racisme, ça. Ouais. Non? C'est dans les Fantastic Four. Ah, ouais? Ouais, un des... Ouais. Bref. Ah, j'ai pas vu. Bref. Chacun sa race, c'est ça que tu me dis? Vidéo d'enfant. Alors, la vidéo d'un enfant super-héros, je vous ai mis le lien de ça, c'est quand même très drôle. C'est le père qui filme son enfant dans la vie quotidienne, mais qui rajoute beaucoup d'effets spéciaux. Ah, c'est oui. vraiment drôle à voir, c'est vraiment sympathique. Je vais accélérer ça, alors 5 à 10. Alors, il y a un film québécois qui s'est fait, c'est un film sanglant sur des jeunes super-héros. Alors, c'est un film québécois, c'est tout neuf. C'est dans le journal de la presse que j'ai trouvé ça. Turbo Kid, là. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, mais ça a l'air assez sanglant. Puis ça a un peu passé. Tu es vieux? T'es dessus en ce moment? Il me semble que c'est super récent, ça. Non, c'est récent, hein? C'est l'été, c'est l'été qui vient de se passer, là. Ouais. Genre août 2015, à peu près. Mais ça peut être intéressant. C'est un film qui vient de sortir sur des super-héros. C'est un film québécois. Voilà. Mais c'est pas tant les... Ouais, c'est ça. C'est des jeunes super-héros. Matthew McConaughey. Alors, j'en parle souvent dans mes chroniques. J'en ai parlé l'année passée dans True Detective. Mm-hmm. Alors, cet acteur-là est potentiellement vu comme un futur super-héros pour les Marvel, pour les films. Ah. Ben, c'est quasiment un des seuls qui en a pas fait encore. Quasiment. Quasiment. Oui. Même. Il serait temps. Il serait temps. J'avoue qu'il serait bon. Il serait beau. Ouais, oui, il y a c'est ça. Ouais, ça si dépend qui fait. Là. Ouais. Tu sais, s'il fait Hulk, quelle déception. Ouais, quelle déception en effet. Ouais. Mais s'il fait Superman. Ouais, mais là, on est des Marvel. Ouais, non, qu'est-ce que t'as raison. Mélanger tout. Tu vois, lui, c'est les races chacune de son bord. Tu l'as compris tantôt. On sait tous, là, dorénavant. D'accord. Ouais. Robin. Ah, lui, c'est légende. Lui, ça n'a pas rapport. Bon. Quoique, il y a The Green Archer, que là, ça, c'est d'ici. En tout cas, on en reparlera. Le qui? The Green Archer. Green Archer, ok, il n'a pas confondu avec Green Lantern. Non, c'est ça. Wow. Parce que lui, il est dans la gang avec Flash. Là. Puis le Green Party, ça c'est. Hey, c'est mêlant. Ouais, y a-t-il quelqu'un qui peut démêler ça, s'il vous plaît? Elizabeth May. C'est Green Party. C'est terrible. Continue. On aurait besoin d'une charte. Une charte? Des super-héros. Des super-héros. Qui n'a pas mélangé. 10 à 20. Alors, 10 à 20, je me retrouve avec... j'ai un site de Mira. Alors, mais c'est pas un site de Mira, en fait. C'est un organisme qui fait comme Mira, mais en France. Ah, OK. Je suis tombé là-dessus. Fait que, qui fait un article sur pourquoi les chiens sont des super-héros. C'est belge, mon dimenteur. Hein? C'est belge. C'est belge? Point B. Ah, ben, je m'excuse. C'était proche. Ah, ben oui. Mais c'est dans le même coin, là. C'est à 2-3 km près. Tout pareil, alors que les races DC Marvel, c'était bien important. Mais en tout cas... ensuite, j'ai le site GeekOfficial. Oh, j'aime ça. .com qui dit les super vilains. C'est un article sur les super vilains. Est-ce que c'est nécessaire? Ah. Alors qu'il nous parle des super vilains parce que chaque super héros a son super vilain. Ah, oh, t'es en train de regarder la bande annonce de Deadpool. Oui. Ça a l'air bon, hein. Donc, alors, c'est un site justement qui fait plein d'articles sur les super héros, dont cet article-là. Ouais. Je suis tombé sur une... c'est japonais, si je me trompe pas, sur un super-héros, il s'appelle Solo Man. Solo Man. Et le speech de la BD, du manga, dans le fond, c'est Solo Man. L'homme le plus seul au monde. Ah, c'est comme un genre de célibataire endurci. Ben, il est tout seul. Solo Man. C'est un super-héros que, de ce que j'ai compris, que son super-pouvoir, c'est d'être tout seul. Il n'y a personne autour de lui. Il y a beaucoup de monde qui l'a ce pouvoir-là. Hein? Tu fais comme... OK, pourquoi? J'espère qu'il y a une intrigue de plus. Ben, moi, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai compris. Il n'y a plus personne sur la Terre. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a juste lui qui est là. Il est vraiment bon avec sa main. C'est... OK. Ouais, passons à un autre appel. Je vous ai mis un autre article pour le phénomène des super-héros dans la real life, alors dans les vies réelles, alors sur lindsinrocks.com. Alors, les vrais super-pouvoirs. Il y a des humains qui ont des vrais super-pouvoirs. Vous saviez? Non. OK. Non. Bon, les vrais super-pouvoirs, en fait, c'est souvent des maladies. Alors, oui, OK. Là, c'est qu'en fait, une personne qui est invincible. Alors, il y a une personne qui résiste, entre autres, à l'électricité. Alors, c'est que simplement, son système nerveux, il y a une maladie rare qui fait que l'électricité, ben, il la sent pas. C'est vraiment spécial, ça. Okay. Il y en a un autre, si je me trompe pas. C'est ça, c'est un Chinois qui voit dans le noir. Ouais. Alors, sa pupille, la façon qu'elle fait, est capable de faire un peu comme les lunettes là, pour les visions nocturnes. Il amplifie la lumière, fait qu'il voit dans le noir. Wow. Bon, il y avait un Américain que lui est capable de courir sans jamais s'arrêter, sans jamais s'essouffler. Okay. On a tout bon cette histoire-là de la personne là, un autiste, dans le fond, qui est capable de redessiner, de retenir par cœur une ville ou un endroit. Ça me fascine et qu'il la redessine. Il avait fait un documentaire là-dessus avec, je me rappelle plus du nom de la personne. Je pense que c'était lui, justement, Stephen Wiltshire. Jean? en tout cas son nom, qui est dans un avion qui passe au-dessus de Rome. Ils s'en vont dans un chat de motel, puis sur une grande mur, ils redessinent à la perfection avec tous les détails, avec l'emplacement des gens, l'emplacement des cantines, la ville de Rome. Oh, c'est ridicule, c'est fort. Vraiment impressionnant. Vraiment. Kim Peake, un peu dans cet esprit-là aussi, est capable de lire deux pages en même temps et est capable de retenir, a retenu à 98% le contenu par cœur de 12 000 livres. Non! Pour vrai, je peux pas comprendre ces choses-là, ça me fascine tellement. Mais notre cerveau, il fonctionne pas à pleine capacité pour tout le monde, hein? Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey, c'est débile. C'est plus que pleine capacité, là. C'est Wim Hof, il résiste, lui, au froid. Okay. Alors, lui, est capable de se baigner à des températures de moins 20 degrés à poil, sans problème. Ah. Mais il dit qu'il faut qu'il se concentre très, très fort. Oui, c'est ça. C'est ça. Et finalement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis numéro 1, parce que je trouvais plus intéressant que Kim Peake. Oui, oui. Le numéro 1, il s'appelle Isao Mashi. Et c'est un samouraï qui a des réflexes hors du commun. C'est assez impressionnant, par contre, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, par exemple, ils vont poser un haricot et il va être capable de loin de couper l'haricot dans le sens de la longueur. Ouais! Et de le découper à la perfection. Les deux bouts sont égales. Wow! Alors, il est capable vraiment de façon très précise de couper. Il a une vision, vraiment incroyable. Ils mettent ils mettaient un gros bout de bois, ils mettaient un point vraiment minuscule sur le bout de bois, puis il fallait qu'il coupe sur le point. Et il coupait à la perfection sur le point, à la moitié. Wow. Lui, il est comme Solomon, il est très très habile de son instrument. Exactement. C'est les blagues de Solomon. Ouais, je sais. Ça va continuer, je pense. La science, ça, je trouvais ça intéressant. La science, je trouve toujours ça intéressant. C'est le livre, ben oui. Alors, combien pèserait le marteau de Thor? Hey! Hein? Je sais pas. Oui, celui que personne peut lever sauf Thor. Oui, c'est ça, on peut pas lever son marteau parce qu'il pèse trop lourd. Fait que la science répond à ces questions. Alors, comment le marteau de Thor, en fait, pèserait... Excusez-moi, mais je vais vous le dire en deux mots. Il pèserait... Ah, ben c'est plus facile comme ça. Il pèserait l'équivalent de 300 milliards d'éléphants. Ok, ben oui. Ben ouais. 300 ouais. milliards d'éléphants. Là, après ça, vous l'avez en kilos, mais c'est 4 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 C'est 300, ouais, c'est ça, 300 milliards d'éléphants. Ça fait combien par éléphant, ça? Je veux savoir ça. Ouais, c'est ça, il m'a calculé ça. Calcul? Je pense qu'il disait que... Ils sont peut-être pas tous de la même grosseur. C'est ça, c'est une moyenne, hein? Je pense qu'il y a quelqu'un qui essayait de calculer combien il coûterait si on voudrait fabriquer ce marteau-là. Ah non, c'est simplement quelqu'un qui a essayé de fabriquer un marteau très très lourd, mais il pèse seulement 1,36 kg. Pff, la petite bière! Ouais. Yeah. C'est ça, c'est plate. Pourri. Fait que, ensuite, ben, il parle de comment se transformer en Hulk ou en Captain America, combien, quel produit que ça prendrait, quel effet ça aurait sur nous, est-ce que c'est possible? Mm-hmm. Fait que, voilà, c'était l'article sur la science. 20 à 30. On rappelle qu'on est en train de poser la question à Google, qui est comment devenir un super-héros. Voilà. Oui. Comment devenir un super-héros? Bon, 20 à 30, je vais quand même rapidement. Alors, des virus qui sont considérés maintenant comme des... En fait, c'est simplement un article qui parle que des virus pourraient régler des problèmes de cellules cancéreuses. Alors, vous irez lire ça si ça vous intéresse. C'est comme des virus super-héros, finalement. Exactement. C'est présenté comme ça, en fait. C'est un peu comme les vaccins. C'est un peu le même principe. Je l'ai lu en diagonale, mais c'est un peu le même principe de ce que j'ai vite compris. Oui. Connaissez-vous c'est quoi un Super Saiyan? Non. Un Super Saiyan, alors c'est dans Dragon Ball, les personnes qui se transforment comme en or. Bien, il y a quelqu'un au Japon, si je me trompe pas, qui a décidé de devenir un Super Saiyan. Très honnêtement, je l'ai lu aussi en diagonale, donc je me rappelle plus vraiment de comment il a procédé tout. Bref, il est mort d'une rupture d'anévrisme à cause de ça. Oh, pauvre lui. Misère. Oui. Hey, c'est-tu poche comme mort? Une trop forte et trop longue contraction musculaire qui engendrait une suppression dans l'artère de son cerveau. Mais pourquoi? Parce que il s'est concentré, c'est juste par concentration. Ouais, il s'est concentré, ouais. Trop concentré. Eh bon. Essayez de pas trop vous concentrer. Continue d'écouter Assemblage Rocky. Oui. Mais c'est, en tout cas, quand j'ai lu ça, je trouvais ça assez hallucinant. Et finalement, je n'avais pas de 30 à 40. 30 à 40, les articles étaient pas mal répétitifs. Fait que j'ai tout de suite sauté de 40 à 50 où il y a un article qui parle de Obama qui fête l'Halloween. Bon. Parce qu'on finit toujours sur quelque chose qui est en lien avec la question. Ben oui. Alors, comment devenir un super-héros? Obama qui fête l'Halloween. Félicitations, Obama. Ah. Il a l'air d'être déguisé en monsieur qui porte un chandail. Là, pis, Ouais, c'est ça. Il donne des bonbons devant la Maison Blanche. C'est beau. Ouais. Ça fait une belle opportunité photo pour les journalistes des médias américains. On a posé la question. On a eu une semi-réponse. Oui, ben je vous ai donné un article au début. De toute façon, posez la question vous-même, vous allez en trouver 1000. C'est ça. Pas besoin d'écouter la chronique de Frédéric Bernard. Faites-la vous-même sur Google. On pose une question différente chaque semaine dans Google Globe. Et Frédéric Bernard, on te remercie beaucoup. Oui. On te retrouve donc mercredi prochain à 8h30 environ. Alors. 8h45, peu importe. Ça change pas grand-chose. Hein, vous êtes toujours à Assemblage Requis. Nous, on va se quitter déjà parce qu'on a une émission après C'est moi qui ai dit ça aujourd'hui. C'est toi qui l'as dit. C'est supposé être la phrase, c'est le nouveau talent de super-héros de Tania. C'est de toujours finir chacune de ses phrases avec le mot « déjà ». On a inventé le hashtag Tania Déjà. Oui, hier pendant le palmarès, c'est fou. C'est ça. Donc pour ceux qui n'écoutaient pas. Bande de losers, premièrement. Et voilà, j'ai maintenant un hashtag. C'est ça. Et si vous écoutez pas les palmarès, c'est fou en direct le mardi entre 15h et 18h, vous pouvez les réentendre parce qu'il y en a plusieurs. C'est vendredi à 17h et les dimanches à midi. Donc soyez-y avec nous au palmarès, c'est fou, c'est sûr, palmarès, c'est fou. Nous, on termine l'assemblage requis, comme je disais. On remercie Frédéric Bernard. On remercie aussi Sébastien F. Guertin pour sa chronique Butin et Guertin. Demain à l'émission, on a Alexandrine Pichessire qui est de retour avec ses précieuses découvertes. On a aussi une grosse pointe d'adresse. On va goûter à quelque chose qu'on a acheté au dépanneur ou au magasin du coin. C'est demain entre 6h30 et 9h30. Restez à l'écoute parce qu'à 11h, c'est comme toujours le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 15h, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 17h, l'émission de musique électronique audiomatique. Et à 20h, c'est Radio Sonic, l'émission de musique variée. Merci Tania Baudin. Merci Mathieu Plante. Sif.ca et puis assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Sinon, c'est ça. Il nous reste quelques instants avant de passer à la prochaine émission qui va être les coups des tranches. Oui. L'émission d'affaires publiques. Mais pour l'instant, on écoute Dilly Dally avec une pièce du palmarès anglophone qu'on a découverte hier. C'est Purple Rage. On se quitte là-dessus. À demain, Tania. À demain. Bonne journée. J'avais oublié qu'hier aussi, il m'avait fait une erreur dans ce lecteur-là. Misère. Ouais. Mais il marchait très bien dans le lecteur 2. Fait qu'on va s'en reprendre. Allons-y. Puis on écoute la chanson thème de fin pour l'instant, c'est ça? Ben oui, pour sinon, l'instant. Je vois pas comment on remplirait le temps, sinon. Je sais pas non plus. C'est quand même pas avec des blagues de Soloman. Tout Soloman, hein? Tu l'écouterais le film. Oui. Bye bye! Ok, bye! Game on before.